Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous, bienvenue à ce journal, la grande édition de cette mi-journée du 22 septembre 2016. En voici tout de suite les grandes articulations. 22 septembre, c'est une date de triste mémoire pour la famille des professionnels des médias burundais et particulièrement pour le groupe de Press Iwacu. En effet, cela fait 2 mois que l'on n'a pas de nouvelles de Jean Bigirimana, disparu après son arrestation en commune Bugarama de la province Muramvya le 22 juillet dernier. Le directeur des publications du journal Iwacu garde espoir, mais difficile de croire à la survie de notre confrère. Réalisme oblige, nous dira-t-il. Alors que l'enquête indépendante des Nations Unies pour le Burundi a annoncé avoir confectionné une liste de personnes soupçonnées d'être responsables de possibles crimes contre l'humanité et qui seront déférées devant les instances habilitées, le ministre burundais en charge des droits humains dit que c'est un rapport de politique et non d'experts. La chambre froide de la morgue de l'hôpital de district de Ruyigi n'est pas actuellement fonctionnelle à cause du manque de carburant pour les groupes électrogènes utilisés en cas de coupure du courant électrique fourni par la régie des eaux. Notre correspondant nous décrira les difficultés qu'éprouvent les habitants de cette province quand il s'agit d'enterrer les leurs. Et puis, des incendies de maisons, d'enclos et d'étables ont bel et bien eu lieu en commune de Lusaka ces derniers jours, même si l'administrateur de cette commune semble nier l'évidence. Notre reporter a été sur le lieu. Reportage dans ce journal. Bienvenue, Toussaint Mitevouti, en assure la mise en onde. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, je venais de vous le dire, 2 mois viennent de s'écouler sans nouvelles du journaliste Jean Bigirimana du journal Iwacu et Info Grand Lac. Le directeur du journal Iwacu affirme qu'ils ont mené des enquêtes et qu'ils ont transmis le rapport au procureur général de la République. Antoine Kabourahé indique qu'il garde l'espoir, qu'il qualifie de fou, mais que le réalisme commande de ne pas croire à la survie de quelqu'un qui a été arrêté et dont on n'a pas de nouvelles et dont on n'a pas encore retrouvé le corps. Suivez Antoine Kabourahé, joint au téléphone par Yves Monziman. Nous avons continué nos enquêtes. Tout ce que nous avons trouvé, nous avons transmis cela à la justice et nous avons fait une plainte contre X avec tous les éléments que nous avons et que d'ailleurs nous avons publié. La justice a donc aujourd'hui des pistes de recherche, et notamment de ce numéro de téléphone qui a appelé Iwacu pour dire que Jean devait s'arrêter. On sait aujourd'hui que tous les numéros peuvent être tracés. On peut savoir qui a appelé quand, à qui appartient ce numéro. Il y a ce vendeur de crédit téléphonique à Bugarama. Bugarama n'est pas très grand, c'est un mouchoir. Tout le monde connaît tout le monde à Bugarama. Il y a cet homme qui a parlé avec Jean et que l'on présente comme un informateur du service des renseignements. On a donné son nom, on a tout donné. Vous savez, c'est ça qui est terrible en cas de disparition de Jean. C'est atroce parce que quand quelqu'un meurt, nous tous nous mourons, c'est une vérité, on meurt un jour. Mais quand quelqu'un meurt, qu'on voit son corps, on accompagne le défunt, on fait les funérailles, cela participe au deuil et cela participe aussi à la reconstruction des vivants. Il n'y a rien de pire que de perdre quelqu'un et ne pas savoir si la personne est vraiment morte ou disparue. Donc, il y a toujours un doute atroce. Vous savez, on a entendu beaucoup de choses. On nous a dit que Jean est vivant, qu'il serait détenu quelque part dans une prison. Mais attendez, une prison pendant 2 mois, sans visite. Même les pires criminels ont droit à une visite. Est-ce que Jean serait détenu 2 mois sans recevoir la visite de son épouse, de ses 2 petits-enfants de 8 et 3 ans? C'est terrible. De tout ça. Cette interrogation permanente, est-ce qu'il est vraiment mort? On a un espoir fou. C'est un espoir fou parce que la réalité vous commande de ne pas croire à la survie de quelqu'un qui a été arrêté, mais dont vous n'avez pas vu le corps. Antoine Kabourahé, directeur des publications du groupe de presse Iwacu. Le rapport des experts des Nations Unies en droit de l'homme est un rapport à caractère politique au lieu d'être un rapport technique. Ce sont les propos du ministre en charge des droits de l'homme, Martin Nivyabandi, qui s'est exprimé aussi à propos de certains militaires et policiers dont on dit qu'ils sont arrêtés arbitrairement et que même des assassinats s'en suivent, selon certaines sources. Suivez. Je voudrais tout juste réagir sur le caractère politique du rapport qui a été produit par les experts des Nations Unies qui sont venus ici, qui ont séjourné dans notre pays pour évaluer la situation des droits de l'homme. Vous tous, vous avez, en tant que femme et homme des médias, vous avez eu accès à ce rapport. En nous lisant, d'emblée, on remarque que ce rapport ne respecte pas les règles élémentaires d'une rédaction d'un rapport d'enquête, surtout quand il s'agit des experts indépendants. Les experts, ils ont eu des entretiens avec pas mal d'institutions étatiques, les ministères qui sont concernés, la police, au niveau de l'armée, mais malheureusement, on ne retrouve pas la version de ces institutions à ce niveau. Mais aussi en le comparant avec d'autres rapports qui ont été produits antérieurement par des organisations des défenseurs des droits de l'homme, on ne trouve pas de différence. Dans certains cas, c'est du copier-coller. On vous dit, nous avons interviewé des gens dans les camps des réfugiés en Tanzanie, au Rwanda, des personnes ici au Burundi. Vous n'en citez même pas les noms, peut-être pour des raisons de confidentialité, mais aussi il y a des règles, comment vous devez le faire. Il faut décrire une personne est disparue et que vous commencez à vous accuser l'un ou l'autre institution. Il faut décrire. Il ne faudrait pas se dire « on m'a dit », puisque... On le sait, nous sommes dans une société à culture orale. Il faut être extrêmement prudent quand vous devez vous fier au dire des gens que vous avez contactés et qui, malheureusement, restent anonymes. C'était Martin Nivziabandi, c'est le ministre en charge des droits de l'homme. Et l'enquête indépendante des Nations Unies pour le Burundi a annoncé avoir confectionné une liste de personnes soupçonnées d'être responsables de possibles crimes contre l'humanité et qui seront soumises aux instances habilitées, mais ne donne pas plus de détails. L'ONU s'inquiète par ailleurs de la situation des droits de l'homme qui prévaut au Burundi. Dans un rapport publié mardi, cette organisation redoute ce qu'elle qualifie de génocide et de probables crimes contre l'humanité, ce que rejette en bloc le gouvernement de Bujumbura. Celui-ci estime que le rapport onusien s'est focalisé sur les versions des opposants. Il est 13h02 à Bujumbura. Dans la suite de ce journal, certains étudiants récemment renvoyés de la faculté des lettres et des sciences humaines à l'université du Burundi pour une année disent ne pas comprendre pourquoi les motifs avancés pour leur retard à reprendre les cours n'ont pas été acceptés. Ils avancent la cause comme quoi ils ont manqué de moyens pour quitter leur domicile à l'intérieur du pays. Ils demandent au recteur de l'université du Burundi de revenir sur sa décision. Le point avec Désiré Bokeyenez. Postérieurement à la décision rectorale du 12 août par laquelle 347 étudiants étaient renvoyés pour une année académique, le recteur de l'Université du Burundi a sorti un communiqué par lequel les recours éventuels étaient acceptables du 19 au 26 août. Après ces recours, 195 étudiants ont été admis à reprendre les cours puisque les autorités ont constaté qu'ils étaient présents depuis l'appel de reprendre les cours, tandis que 12 ont avancé des motifs valables. Au total, 207 étudiants ont déjà regardé les auditoires. Les 140 étudiants qui n'ont pas bénéficié de cette mesure disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi le rejet de leurs motifs alors qu'ils ont tardé à reprendre les cours à cause du manque de moyens de quitter leur domicile lors de l'appel du recteur. Celui-ci est l'un de ces étudiants. Nous ne voyons pas pourquoi le recteur ne veut pas nous donner accès d'étudier comme les autres. Et quelles sont les justifications que vous avez données? Les justifications étaient que les étudiants étaient loin de la capitale et c'était difficile de venir pendant la période de regagner les auditoires. Ces étudiants demandent au recteur de leur permettre de reprendre les cours à leur tour. Nous demandons au recteur de l'Université du Burundi de changer d'avis pour nous justifier de notre absence. Nous n'étions pas encore en grève. C'était tout simplement une absence en classe. Ces étudiants ont été envoyés au moment où ils avaient suspendu les cours, contestant de nouvelles filières qui ne leur permettront pas d'accéder à la carrière d'enseignement à la fin de leurs études. Contacté à ce propos, le directeur de l'assurance qualité nous a dit que les recours véhiculant des motifs acceptables ont été bien reçus. Sinon, Runya Gouvalos dit que les motifs non convaincants n'ont pas eu d'issue favorable. En mairie de Bujumbura toujours, il se manifeste une innovation dans l'organisation du parking des bus de transport en commun se rendant dans la zone de Kanyosha à partir du centre-ville de Bujumbura. Pour entrer dans ces bus, il faut se mettre en file indienne, ce qui est apprécié par les usagers de ces bus. Ils expliquent que dans les jours passés, ils devaient se battre pour pouvoir entrer dans ces véhicules et c'était les plus forts qui y parvenaient, comme a pu le constater Alida Ndayikeza qui a été sur ce parking. Voici son reportage. Il est 17h passé. Nous sommes sur le parking des bus de transport allant vers le sud de la capitale de Bujumbura. Il se remarque une longue file de personnes qui attendent pour embarquer dans les bus. Action inhabituelle sur ce parking qui était caractérisé par des bousculades. Parmi ceux qui sont alignés, les uns disent que c'était la loi du plus fort qui régnait sur ce parking. On s'est bousculé pour entrer dans les bus et il y avait des voleurs pour nous piquer les téléphones et l'argent. Maintenant, c'est une bonne chose que Dieu les bénisse. Avant, on s'est bousculé, mais maintenant, puisque nous sommes alignés pour entrer dans les bus, même ceux qui sont malades ou les femmes enceintes peuvent monter dans les bus facilement. Avant, ceux-ci ne pouvaient même pas tenir jusqu'à 14 heures. C'est une bonne initiative. Cette exception concerne les personnes en destination de la zone Kanyosha. Le responsable de ce parking dit qu'ils ont revu cette organisation pour donner la chance à tout le monde de pouvoir entrer dans les bus. Parmi eux, il y a ceux qui sont faibles comme les femmes enceintes, les hommes âgés et les petits-enfants qui reviennent de l'école. Nous avons remarqué qu'il y a une injustice, c'est pourquoi nous avons fait cette idée. En plus, ils arrivaient à la même heure, c'est pourquoi il y avait des bousculades. Nous avons eu cette idée de les mettre sur une même ligne pour qu'ils embarquent dans le bus un à un. Celui qui veut créer le désordre est bloqué par les chargés de la sécurité. Cette activité est supervisée par les chauffeurs et les rabatteurs, communément appelés Kokai. Le gestionnaire de ce parking lance un appel aux autres responsables de leur emboîter le pas. Alida Ndayikeza, il est 13h07 à Bujumbura, une pause et nous ouvrons la rubrique des nouvelles des provinces. Isanganiro. Les habitants de la colline Murambi en commune Rusaka de la province Mwaro ayant été victimes d'incendies ces derniers jours demandent aux autorités de tout faire pour que cessent ces actes commis par des individus jusqu'ici inconnus. Une partie d'une maison d'habitation, des enclos et des étables d'un côté, une partie d'une sous-colline de l'autre ont été brûlés à des moments très proches au mois d'août et septembre. L'administrateur de la commune Rusaka a nié les faits qui se sont avérés vrais, comme a pu le constater notre reporter Léon Civitalio qui s'est rendu sur les lieux. Voici son reportage. Ces incendies se sont déclarés sur trois sous-collines, à savoir Kizenga, Bihendekere et Bulima, toutes de la colline Murambi en commune Rusaka. À Kizenga, chez Alexis Bigirimana, la famille a passé une bonne partie de la nuit de samedi à dimanche, les 10 et 11 septembre, debout. Une sous-colline dite Bihendekere, appartenant à un certain Mélance Nahouga, avait pris feu et au moment où on allait terminer à l'éteindre, on s'est aperçu que l'enclos est déjà à temps. Affirmation de la chef de ménage, Victoire Ndayiragije. En moins de 24 heures, le dimanche 11 septembre, dans l'après-midi, ce fut le tour de chez Venant Nibzabandi, une petite partie de l'enclos, selon Venant. Le troisième ménage qui a été visité par Isanganiro est celui d'un certain Claver Mbesherubusa. Il avait été touché le 12 août et les voisins sont parvenus à éteindre, ce qui a fait croire à un simple accident. Mais curieusement, un autre nouvel incendie s'est déclaré juste le lendemain, faisant cette fois des dégâts. C'était un samedi, le jour des festivités. Une partie de la maison d'habitation a été atteinte par le feu. Monsieur Mbesherubusa fait savoir qu'un autre enclos, dans le ménage d'un voisin prénommé Domitien, a été touché et de dire qu'il ne comprend pas le phénomène. Les habitants de Murambi affirment qu'habituellement, la cohabitation entre voisins est au bon fixe. Ils demandent aux autorités de tout faire pour faire arrêter ces actes dont ils ne savent pas jusqu'ici les auteurs. Cette information sur les incendies déclarés sur Murambi est déjà confirmée par le chef collinaire, mais l'administrateur communal, elle, nie les faits et n'a pas voulu non plus s'exprimer sur nos antennes. Des sources sur place indiquent que les responsables administratifs ont demandé à ses habitants de dénoncer en privé les présumés auteurs de ces incendies, mais ils ont refusé, arguant que cela risque d'entacher les bonnes relations qu'il y a entre eux. Merci Léon. C'est la chambre froide de la morgue de l'hôpital de district de Ruyigi n'est pas actuellement fonctionnelle. Ceux qui perdent les leurs dans cet hôpital sont obligés de les amener aux morgues de différents hôpitaux de la province de Gitega. Le médecin directeur de cette structure de soins explique que ce problème est dû au manque de carburant pour les groupes électrogènes à utiliser en cas de coupure du courant électrique fourni par la régie des eaux de Ruyigi. Nous appelons notre correspondant Jean-Claude Chimiliman. Aucun corps sans vie n'est actuellement mis dans la chambre froide de la morgue de l'hôpital de district de Ruigi. Ceux qui ne peuvent pas enterrer directement les leurs décédés au lit de cet hôpital sont obligés de les amener aux morgues des hôpitaux de la province sanitaire de Gitega. Certains parmi ceux qui ont déjà vécu cette situation s'indignent contre cette structure de soins. Ils disent que c'est un manque de soucis aux personnes malades et à leurs familles et soulignent que le manque d'abri pour une personne décédée en attendant son enterrement ne fait qu'augmenter le chagrin aux membres de sa famille. Isidore Niharirizwa, médecin directeur de cet hôpital, explique que l'hôpital se voit actuellement refuser l'achat de carburant en présentant des bidons à la pompe. À cet effet, il indique qu'aucun corps sans vie ne peut être mis dans cette morgue faute de carburant pour le groupe électrogène à utiliser au cas où il y aurait rupture du courant électrique fourni par la régie des eaux. Toutefois, Docteur Isidore Niharirizwa fait savoir que cet hôpital dispose d'une morgue dans laquelle on peut abriter une personne décédée jusqu'à 2 jours sans aucun risque de décomposition. De son côté, le gouverneur de la province Ruigi Abdallah Hassan indique que tous les services de l'État gardent leur droit d'achat de carburant, même en présentant des bidons à la pompe au cas où ce produit est disponible à la station. Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. C'est sur ce site que vous nous suivez aux États-Unis, en Afrique et partout ailleurs dans le monde. En actualité internationale, aux États-Unis d'Amérique, on parle des émeutes en Caroline du Nord après la mort d'un Afro-Américain tué par un policier également Afro-Américain sur le parking d'une résidence. Au Yémen, 20 civils ont été tués dans des raids menés par la coalition arabe sur une ville rebelle dans le soir de ce mercredi. Et en Égypte, après le naufrage d'un bateau de migrants en mer Méditerranée dans la nuit de ce mercredi, le bilan s'alourdit à 42 morts et 163 migrants secourus. Les détails avec Didier Nyonzima. En Égypte, au moins 42 personnes sont mortes et 163 ont été secourues dans la nuit de ce mercredi après le naufrage d'un navire de migrants en Méditerranée près des côtes égyptiennes, a indiqué à l'AFP le porte-parole du ministère de la Santé, Khaled Megahed. Les opérations de sauvetage se sont poursuivies dans la soirée pour retrouver d'autres éventuels passagers. L'embarcation s'est échouée près de Rosette, sur la côte nord de l'Égypte. L'un des passagers, Ahmed Mohamed, 27 ans, raconte qu'ils étaient 450 à bord et qu'après 1h30 du départ, le bateau a commencé à chavirer. Parmi les victimes figurent des migrants égyptiens, soudanais et d'autres nationalités africaines. Au Yémen, au moins 20 civils ont été tués ce mercredi 21 septembre au soir dans des raids aériens de la coalition arabe contre les quartiers de la ville portuaire de Hodeïda, au nord-ouest du pays, contrôlé par les rebelles chiites houthis, a indiqué un responsable gouvernemental. Selon la RFI, sur son site web, ces raids ont visé le quartier appelé Souk al-Hunod quelques heures après la célébration dans la ville par les houthis du 2e anniversaire de la prise de la capitale yéménite, Sanaa. Et enfin, aux États-Unis d'Amérique, les manifestations de ce mercredi soir ont été maillées de violence entre la police et la foule, indignée par la mort d'un homme noir tué par un policier le 20 septembre. Selon la RFI sur son site web, le gouverneur de l'État de la Caroline du Nord a décrété l'état d'urgence à raison des violences qui ont émaillé la deuxième nuit de manifestation à Charlotte, provoquée par la mort d'un homme noir tué par un policier, également afro-américain, sur le parking d'une résidence. Selon la police, l'homme était armé d'un pistolet, ce que ses proches démentent. Lors de ces manifestations, un manifestant blessé par balle est dans un état critique. 12 agents de la police ont été blessés et plusieurs voitures endommagées. Merci Didier Nyonzima. Ainsi se referme ce journal. J'en rappelle la charpente avant de nous séparer. 22 septembre, c'est une date de triste mémoire pour la famille des professionnels des médias burundais et particulièrement pour le groupe de Presse Iwacu. En effet, cela fait 2 mois que l'on n'a pas de nouvelles de Jean Bigirimana, disparu après son arrestation en commune Bugarama de la province Muramvya le 22 juillet dernier. Le directeur des publications du journal Iwacu garde espoir, mais difficile de croire à la survie de notre confrère. Réalisme oblige, a-t-il, a dit Antoine Kabourahe. Alors que l'enquête indépendante des Nations Unies pour le Burundi a annoncé avoir confectionné une liste de personnes soupçonnées d'être responsables de possibles crimes contre l'humanité qui seront déférés devant les instances habilitées, le ministre burundais en charge des droits de l'homme dit que c'est un rapport de politique et non d'expert. Et la chambre froide de la morgue de l'hôpital de district de Ruyigui n'est pas actuellement fonctionnelle à cause du manque de carburant pour les groupes électrogènes à utiliser en cas de coupure du courant électrique fourni par la régie des eaux. Vous avez suivi le reportage de notre correspondant qui nous a décrit les difficultés qu'éprouvent les habitants de ces provinces quand il s'agit d'enterrer les leurs. Et des incendies de maisons d'enclos et d'étables ont bel et bien eu lieu en commune de Rusaka ces derniers jours, même si l'administrateur de cette commune semble nier l'évidence. Il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. Ainsi prend fin ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec la complicité technique de Toussaint Mitebouti. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à Marie-Ange Zeimana pour la réalisation. Au micro, Jean Bosco Douimana. Un bon après-midi.